l'île et Macral quelque part dans le nord. Et cette fois l'hiver est bien mort. Ici les gens font la fête autour des feux de joie. Les jours gris sont bien loin cette fois. Les soirées s'illuminent comme par magie. Les musiciens reviennent jouer dans la nuit. Dans ces demoiselles, le soleil est là. C'est l'été, ma belle. C'est l'été chez moi. J'ai fait comme un rêve. Dis-moi, tu viendras. C'est l'été, ma belle. C'est l'été chez moi. Des voiles aux mille couleurs ont repris l'océan. On a réouvert les volets blancs. La musique est revenue au marché le matin. On y voit de drôles de baladins. Le vent fait tournoyer les robes des filles. L'amour va lancer de nouveaux défis. Dans ces demoiselles, le soleil est là. C'est l'été, ma belle. C'est l'été chez moi. J'ai fait comme un rêve. Dis-moi, tu viendras. C'est l'été, ma belle. C'est l'été chez moi. Demoiselle,